trempés, couverts de rosée. Les bottes marquent la boue comme un serment juré. L'œil sur l'horizon, dans ce silence danse. Chaque bruit est un nom. Les murs suintent les forts et le bois mouillé. Le feu fume encore, vestige d'une veillée. Les visages tendus par les jours sans fin. Chaque clou planté repousse le destin. Une torche dans la brume, une voix dans le vent. La base respire, mais l'ennemi attend. Calmer la nuit, sous la pluie fine, leur prière s'ensuit. Riders qui veillent, main sur l'arc, le chant apaise, mais garde la lame. L'unité s'écrit dans le souffle court, car dans Rust l'amour prend des détours. Terre humide, feu sacré, nos voix s'élèvent. Chaque instant forge notre volonté. Forêt profonde, refuge et piège, notre foi brûle au bord du siège. Son tremble, un tir éclate. Le chaos surgit, la base éclate. Mais nos cris deviennent une mélodie, un chant de guerre, une énergie. Les ennemis tombent, surpris par la foi. Le terrain est rude, mais c'est chez moi. On reconstruit au milieu des cendres. Chaque perte devient un souvenir tendre. La solidarité se tisse en silence. Un regard suffit, une seule cadence. On ne fuit pas, on tient la ligne. Même si la brume parfois nous malmène. Un souffle monte, le sol vibre. Le cœur bat fort, la main libre. On sent l'aube comme un cri, prêt à frapper, prêt à unir. Les sabots claquent, les pas lourds. On repart affûté pour le jour. Ride ce qu'il mène, le regard clair, un cri traverse la forêt entière. Dans l'écho, nos esprits s'élèvent. Sur cette terre, on reste sans trêve. Le silence revient comme un baiser, mais sous les nos âmes se reposent, pas nos pensées. On sait que demain tout peut recommencer. Les feuilles bruissent, la tension glisse, mais la chaleur reste douce complice. Riders qui sourit, prêt à lever l'épée, même si la forêt semble apaisée. Une torche s'allume, un cri résonne, la team s'élève, un feu qui tonne. Plus rien n'arrête la marche lancée, sous les arbres la que non, écrit l'histoire dans le bastion. Terre humide, feu sacré, Riders Guild guide les cœurs liés. Dans nos voix sculptent le ciel, chaque victoire est un rituel. Unis par la boue, le sang, la foi, c'est notre monde, notre loi. Mais